c'est Guillermo Guiz. C'est vrai que. Il s'enfonçait, la loose. Non, bah parce que c'est le héros du monsieur. Jour. Bah oui, c'est moi qui fais le héros du jour. C'est et toi, dans un premier temps, j'ai failli choisir le héros du jour en hommage à l'homme que je remplace ce matin. Daniel Morin. De fait, mon héros du jour, ça aurait pu être le castor. Animal qui, comme Daniel, a une certaine forme de pilosité conquérante et au petit matin, a une haleine qui charrie à la fois des notes de bois humides et d'insectes sociaux. D'aucuns diraient, il n'est pas là, ça se voit. Je répondrais, il n'est pas là, ça se sent. Je vais m'arrêter là, parce que, alors que j'aurais pu filer l'analogie en disant que le castor a la queue plate et écailleuse, lui aussi. Mais j'y suis pas allé. Comment monsieur, tu c'est, sais c'est voilà. la facilité. Ouais. Ceci dit, en me renseignant, je disais que ça fait quelques années qu'on retrouve des traces de castor le long de l'Essonne. Un scientifique révélant Parisien, je cite, il traîne près de la rivière, c'est sûr. Pourquoi ne s'y installe-t-il pas? Peut-être s'agit-il d'un individu solitaire qui cherche un compagnon ou une compagne. Je m'étais dit, mais ça, c'est mon Daniel. C'est mon Daniel, on en parle vraiment de lui. Je signale nos auditeurs qui m'interpellent régulièrement en me demandant, c'est vrai tout ce que tu dis sur Daniel Morin? Ben non, s'il a vraiment une haleine de mi-cuit d'essai et un sexe qui ressemble à une spatule de chez Bocuse, je le dirais pas sur antenne. Daniel, en vrai, il est frais comme un chavroux. C'est pareil avec Leïla. Si elle prenait vraiment du poppers au déj, au petit-déj, au goûter, pour Noël, pour Pâques et pour l'armistice, je le dirais pas ici. Quoique. Peut-être je le dirai. Bref, le castor est également de retour à Londres, figurez-vous, après 400 ans d'absence dans le milieu des rongeurs. C'est comme si Thierry Hazard revenait à la chanson. À Londres, ils ont réintroduit un couple de castors pour jouer le rôle d'ingénieur naturel. Et pour info, les deux, je crois que c'est vrai, ont été surnommés les deux castors Justine et Sigourney. Mais non. Si, parce qu'en anglais, castor se dit beaver. Du coup, ça fait Justine Beaver et Sigourney Beaver. Mais non. En soi, c'est pas une mauvaise vanne, mais juste imagine, c'est les castors francophones. Tu vois, c'est sûr, ils auront pas la ref, quoi. Toute leur vie, ils vont se présenter à l'administration, ils seront pourquoi les gens rigolent. D'ailleurs, là-dessus, Brigitte Bardot, on l'entend pas, naturellement, évidemment, comme par hasard. Donc le castor aurait pu être mon héros du jour. Mais non, mon héros du jour, c'est Olivier Giroud, qui est rappelé en équipe de France. De foot. Qui est rappelé en équipe de France malgré le lobbying intense de Nagui auprès de Didier Deschamps. Nagui, qui, je le rappelle, avait déclaré après l'Euro, Giroud, je peux pas l'encadrer. S'il revient un jour en équipe de France, j'arrête la radio, je pars vivre dans une yourte au Turkménistan. Merci Olivier, merci d'avoir eu la force de persévérer, ne fût-ce que pour le service public. Mais on t'en doit une belle, Olivier. C'est vrai, en vrai, à 35 ans, Giroud il cartonne au Milan AC, mais il n'avait plus été rappelé chez les Bleus depuis l'Euro et l'élimination de la France face à la Suisse. Je ne sais pas si vous vous rappelez, sur un score de 3-3 avec des buts suisses de Seferovic deux fois et de Gavranovic et un score de 5-4 au pénalty avec une frappe manquée de Kylian Mbappé et une température extérieure de 29 degrés au National Arena de Bucarest dont la construction a été achevée en juillet 2011 avec une capacité de 52 300 sièges, extensible à 63 000 selon les circonstances. Moi, je ne me rappelle quasi plus de ce match. Olivier Giroud remplace Karim Benzema, donc, qui a été victime d'une sorte d'élongation de la remontada. C'est un muscle spécial chez les athlètes qui sortent le PSG de la Ligue des Champions après une défaite à l'aller. Apparemment, c'est un fléau chez les joueurs de foot. Il y a tellement de joueurs à qui ça arrive, ce muscle. Surtout en Espagne. Ouais. Donc Giroud revient à 35 ans. C'est un exemple d'abnégation. Il sera dans le groupe pour affronter la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui est le pays, je vous le donne en mille, du castor. C'est pas vrai, mais ça aurait fait une très belle chute. Allez, bonne émission. Merci. Guillermo Guiz. Et Guillermo, on se retrouve demain à Toulouse et mercredi à Biarritz.